Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, au Vandi na Royaume-Uni, topé aux Anandeko na Londres, Pesa et Sango, y'a agence de fret, y'a ba professionnel, y'a ngoyo. Avec des diplômes universitaires au Royaume-Uni. Ben à Kinshasa, Tozan Avenue Bouburu numéro 9, Matongé 2, commune Yakalamu, référence école Monseigneur Moke, Van Ezakoyananda en Angleterre, pour na kozwa biloko pe kotinda na Kinshasa. Kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, tope biloko ya ndako mobimba. Kafret au Tindi Miliki et comme il peut m'aider. Yo Ozana Nord, topé na Sud Angleterre, ben ma biso na ba numéro Oyo. Kafrex, et en Angleterre, si na Écosse. Kafrex, et ça la tapé fête aérienne. Pour plus d'infos, visitez notre site web na www.kafrex.com. Merci Mingi, la fois passée, n'est-ce pas topé sa qui vidéo ya. Spiritualité, tu as eu réaction. Les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en à ces gens-là, nous disons ceux qui ont réfléchi, ils ont été en train de se faire, Fanda, Otikala, Moto Yandengewana. Mais il n'y a pas que les gens qui ont été réfléchi, ils ont été en train de se faire aveuglement. Au bout, il faut réfléchir. Et puis, on va dire que c'est un peu. Ça, il faut tous aller d'accord. Bah verser ton pesa qui bino nyon so oyo. Moutou, oyo. Alingi ko zala normal. Oyo. Alingi vraiment spiritualité na yezana nanzela. Azala ko kurar te na eloko ya maîtrise te. A ko zwa o ton pesi. A tangi yango. A se poser question na oba yebi sakaye. Parce que to boy ko longwa na Bible pour que bozo a raison te to kotika na Bible oyo esali foi oyo bozali na yango ngai pe nazaki na foi ya ndenge wana mais finalement je me suis dit tant na oki ba français bazo loba olingi obomba eloko na mutu mwindo tiango na livre parce que akotanga te ba livre ebele ndenge za na mokili ata Bible za sacré eza na ba secret ya baoba kutiaki secret na kati ce que za secret ya ba grec ba romain na ba israélite mais za secret ya biso ba mwin ba indo awa non c'est pas notre secret si nous voulons bien comprendre il faut que tout le monde ba kolo yo ba komaki eloko ba komaki bon zambe selon bango yango na prochainement to kota na makambo esali etali empereur Constantin oyo a créé ki trinité oyo yi alongola ki foi ya ba juif ati pembeni aye ko chia ya bango ne bible oyo nyonso bozana ngwawa bozana foi romaine. Il faut ba passer ba manda côté na yebi ke ba banga kande loko moko tolobi vérité to kole susu mbongo te vérité eza oyo tous prendre conscience to fouiller to pesa bino parce que ba mususu pe ba fouiller ki ba pesa ki biso na expliquer pe ba tunyo so que bozala indrija na ngai bolimbi sanga d'avance soki na zoki simitema na bino. Et si quand on a quoi, boyer bisangai, bo contribuer, t'es quand j'ombo awa, mais alors qui boyete, moi j'ai lu comme ça, ou bien aéba qui comme ça, tout ton gâteau qui ne liboso bandeko, les alis soni mingina mawa, position motomundo nase ya moyoyo. Donc tu fandi la biso tozi la kaka. Tinan zete a malaria, oyo zali na Kivu. Véritable nzete ya malaria eza na manyema eza ko traiter batous ndenge sengeli nakoluka video wana mais ezaka mobulu sona lekisi bako punir ngai na YouTube nakomeka soki na zui adresse ya docteur nakotuna ye ye peut-être akotuna ba mususu ba autorisé tango a découvrir kisi ya malaria ya vrai babengana ki na poto asala thèse ya doctorat na été azonga parce que a constitué danger pour na bango mundele moko ebisi na pemene oyebite ke bakisi mindele salaka ekotisaka mbongo mingi na poto soki yoye na kisi oyo ekotraite malaria complètement okofrene biloko totekaka yango wana babengani yo bandeko ti chinois asali yaye kisi aye kopesa nde tozokumisa nyonso ya biso pona nini balongolaki yango tozondima parce que balongolaki d'abord biso bonzambe balongolaki identité na biso bacréer makambo moko boye baleisi biso biso na lokoso tozaki nango tolepe. Je vais vous montrer un exemple. Je disais à mon oncle emi biloko lingo sa ezani fufu eza muke toza ebele tokotonda te yoka priere na ye nkolo naibi keza muke me na kondima na nga tokotonda naibi te to bandi batondaka te na kondima batondaka na kolia suffisamment. Donc mutu mwinda komi na niveau que azui pasi nyonso amonaka akomisi yango bonzambe ye le seul ya kondima kosufri eza ye. Le 2 juillet, ça m'occupe pas beaucoup, mais qui me invite. On est à l'obana nous évêler. Toi, l'endroit nous message joyo. Comment on a banza dio? Donc, il y a le comme ça aussi la canisangonan. Et pas na biso bayindo. On a zamu d'akintu adi kabangunza. Donc, il y a des soucis pour na biso bayindo. M'occupe pas tumba qui y a qui me invite. Nambo kambanza Congo et pas batu bayi la biso Bible. Alors pas na biso souci ba kosi biso te mukolo bana bazwa congé bon ba tumba ki parce que tamu ki pavita va mindele ba ya biso ba kosi biso te mindele biso ya na mboka o eza Diego Kao Livingstone eza Lukuta ki pavita c'est leur histoire ki pavita vite pa papa na e Vitakanga no Vitankanga Vitankanga noko na e Zingankuvu noko na e Zingankuvu aye bisi hein Zingankuvu c'est qui roi. OK c'est bon. Aïe, c'est noko keba, papa m'a dit que je suis manipulé, je suis la maille, je suis en train de me faire. Aïe, je ne suis pas nini, c'est comme Melima Sanga, et bon, je ne suis pas en train de me faire. Le premier prophète, il est prophète de la maille, c'est maman qui ne suis pas en train de me faire. Noko, noko keba, je suis en train de me faire. Papa m'a dit que je suis manipulé, je suis la maille, je suis en train de me faire. Je ne suis pas en train de me faire, je suis en train de me faire, je suis en train de me faire, je suis en ba premier mindele ba ya na mboka oyo roi Vitakanga bonga ba on ibale amuni poso mo zone ibale abi ah to moni couleur mo pa za ki chasa za ki na flèche abi ah me na moni couleur zone ibale wana couleur te ba bomba ba on ba flèche deuxième mindele ba ya so aboma ba on troisième leta ba de ka ba lubi ba ye ba lubite botika ba kota to ye ba ba zo ye la nini na mboka na biso voilà siko yo roi Vitakanga tata mama ki pa vita itango ba koti na ba Congo soko tuni muta ba Congo mputu et la kisi nini le ba mputu poto te mputu na kikongo dali pauvre mubola netangu baye to ba ngo ba mputu lukezo baye o ya ko chat tembe butu na vrai mu Congo mputu et la kisi nini netangu ba koti ba kuda munde mtu munda azada civilisé déjà asala boatu asala liboka asala Congo asala bilanga amindele baye tangu bakoti kutena Zingankuvu. Zingankuvu azali na biloko na bokoko na ya lataki très très bien mais bezo Zingankuvu na nini na whisky baye la ye whisky na elamba lele comme ça mutuke religieux to sala za biso te bonga elamba yo lati yo muto sala yango ilambe za kibonzambe te kola ta elamba $1000 kwa eglise mso za kaka ndoki ozaka ndoki ta pese masanga na sa kutene ba mindele ba tuni ndela ba tuni ye ah ndozo mona mwana oyo azuluba luba kapona nina ba bolanda yete nandi libome bandi ye makabazo luba kende bino boye awa boye po na ko manipuler biso mundela mona da eloko ya mabe siko nde ba tuna ki ye ki Zingankuvu onito sanya bokanga ye bo boma ye ndetango bazuki mpavita Mundele asimba kimpa vita tata tinga bande ko na biso ba yindo tile lo makamazo continue likolo ba bible ba yela biso so biso mudu kama bible za iswara na biso ta longwa kuna biso to sala nini ba zwi ba kimpa vita na mboka mbanza Kongo ba photo za sika batumbela e ba ke ba lengi na koni wasi kusa boda mwana kembo dia nzenza kimbangu kumali bose ya kembo dia nzenza bino kuna boda mwana mwana na pese kombo dia kembo dia nzenza bisengo ya bapaya ah ndenge kimpa vita amona ki deja ke papa moko ba koya kozwa mabele na biso bomengo na biso ba dokoma ya bango ya mwana size ko bisengo na bango eh dona bot ndela boti mwana mwana nga ikembo dia nzenza donge bisengo ya bapaya okay. Mboka yo za bisengo ya bapaya ya ndo lelo ndie ayi azu jama na biso akena ona poto bisengo neza ya bango azu kolta biso kina ona poto Isaya bango bashina basali bakariere mlo kontroba mazo ba iblo sikini ka batwa na bango bazodo yango kembo dia nzenza bisengwa bapaya ni bazwa koni balati kimpavita nzoto mobimba bazi moto bacheye tangu bacheye mama kimpavita o lelo tokende ki le 2 juillet na mboka mbanza ngungu lakini na mawa ne batumba ya ya kimpavita tangu batumbie na mwana na mukongo ayebisi bandeko na ye ah Bozotu mwana mwana na mkobolo na ta mwana mkongode te botumba ye tangu batumbie kimpavita na munoko na lobi boye tangu batumbie ata botumira na mwana mukongo kasi mwana oyo akozoa kuna akozoa suna mboka oyo awena kombo ya kimbangu dia tungunwa ne sika batumba kimpavita bakoko bayebi photo pezali tangu batumbie le bakosi biso abela tumbaka mbeka te tangu batumbie milinge matali kolo esika wana ndeke mwe bima wana na njota kimpavita to be yango mbemba zulu ndeke tangu bimi bamuni ko mambo bolo le di pou ndeke bimi e yo se retrouver na mboka ba Congo awa babengi kinkewa esprit bimi kembo da nzenza balongo l'esprit zoto ya mwana etikali E matia bima na ndeke babengi mbemba zulu mbemba zulu wana kene molimo ya tungunu ekimbeke na kimbangu da tungunwa nde mama kuyela na mama luezi bauta zamba mbule zo beta bazoya na nzela ba moni mwana wana kata libulu mwana kata libulu oh me mwana sana kata libulu boye nde bazua mwana wana ba lokotie ba kena ye na mboka mbanza era babengo ti civil Ezai komo mbanza ngungu te komo mboka ti civil. Nde kimbango komo kola akomo boka na ba mama wana komo bokwa ma komo bokwa ma komo boka ma kui mwa age nde ayeluka musala na ville awa. Les deux JO baba make kimpanvita. Eza la même na Angola, eza la même na ba Congo awa, eza la partout kimia lokola likamute. Me okomana catholique akosala fête na yeke Marie mokolo nde amataki na Lola. Asali fete nanani na bayindo okomona roi constant empereur constantin nde muto akreaka pak oyo bofetaka constantin nde alobaki dimanche nde kozala mokolo ya priere epi botosaka ngo tile lo est-ce que constantin azanzambe tokozongela makambo wana nsima soki bomoni noel mindele kozwa basapin eza bokoko na bango bazofete roi soleil Mais biso kimpanvita le DG yango eleki. Eleki elobile biso le côté mtu mwindo za tranquille. Toki ndema tadiki bala okomona ka bazo mata bazo kita eza le côté. Mais okomona ko tel malati rouge noir arbi Saint Valentin. Bande ko na moment na faute eza biso moko. Même na landaka na kendaka jour moko na secrétaire général ya PPRD. Na kuti bache o kimpanvita na keno kotala mperodo na mova sakani tango na bimbi na tali suno me awa petetre za strategi ya kebato ya bako ngomba mwona kebalingi bango na ape perde jamais ti toye ko change regime jamais mkolo moko pe perde a organiza enseignement vrai ya koye bisa population ki kimpanvita za kina rie Sika wabiso tozo ganga Lokona pe perde zali kaka Soki elingi Epe sanse ima wana Mindele zo to Sama kamuna bango Sikoto kota sikoye na Bible lisusu. Bomona ki ndenge makambo ya ange na combien d'ange na nini pour comprendre que Dieu ne peut pas écrire ça. Nakotanga oyo ezali Bible ya ba témoins de Jéhovah. Yangoyo. Bino pe bozwa kuna eza Deutéronome 32 verset 7 à 9. Boyoka makambo ba komiawa. Souviens-toi des jours d'autrefois. Considère les années de génération en génération. Interroge ton père. Et l'obinini. Kanisa bambileko eleka. Tuna tata abota yo. Akoyebisa yo. Tuna bakoko na yo. Bakoyebisa yo yango. Tango mokeli. Apesaka bamboka. Akabolaki basusu na basusu bana ya Adam. Bo retenir, hein? Awa zoloba bana ya Adam. Afiksaki ba mindelo na kati ya bana ya Israël parce que Nzambe batunaye bazalaki bana ya Jacob. Je reprends en français pour une compréhension facile. Souviens-toi des jours d'autrefois. Considère les années. De génération en génération. Interroge ton père. Il va te raconter. Et demande à tes vieillards. Ils vont te le dire. Quand le Très-Haut a donné aux nations un héritage, quand il a séparé l'un de l'autre, les fils d'Adam, alors, il a fixé la frontière des peuples par rapport au nombre des fils d'Israël, car la part de Jéhovah, c'est son peuple, Jacob et le lot, et il est son héritage. Témoin de Jéhovah, Ponaïe, peuple Yanzambezali, Israël. Ndeseka pour commettre une question. Ce que le peuple Moussouso y avant Israël. Parce qu'Israël, ils allaient combo ya Jacob va changer. Surtout, tolongo Jacob to koti na Isaac. Tolongo Isaac to komi na papa na ye Abraham. Abraham ye moko a outa kuna. Akenda koluka kolia e pa ya batu ba indu na Egypte. Ce que bazalaki. Bango bazalaki bana ya Nzambete. Vous voulez croire à ça? To continuer. Nakei na Bible babengi version Semer. Balobi boye. Pensez aux jours d'alors et songez aux années du temps de vos aïeux. Na awana wa bazoloba botuna bakoko. J'insiste parce que bino botuna bakoko te bazoloba. Apôtre Paul à l'obakini. Ah, wabalobi. Interrogez vos pères. Et ils vous le diront. Demandez aux vieillards. Et ils vous l'apprendront. Quand le Très-Haut donna un territoire au peuple, quand il dissémina les hommes sur la terre, et fixa les frontières des diverses nations, il tint compte du nombre des enfants d'Israël. L'Éternel a pour bien son peuple, les enfants de Jacob. C'est-à-dire le peuple Yanzambe Zabana Jacob. Mais Awa, Balobi, a séparé qui bana ya Adam. Na bon semer Adam ali moui. Mais Bazongi si quand même bana ya Jacob. Na zo pose kaka question. Est-ce que le monde est salemi tant que Jacob a botibana? Tout ça dans la Bible. Est-ce que vous comprenez ce que vous ce en quoi vous croyez? On veut vous dire tant que salaki mokili a bandiko kabulasiko mokili na batu a tenir compte yabana ya Jacob. Est-ce que Jacob a salaki na periode bazo sala mokili? Parce que ce que Jacob y est moko aza mwana ya Isaac. C'est que Isaac y a salaki avant Jacob. Isaac peut mwana ya Abraham. Abraham peut mwana ya Isaac outi. Et Bible zoloba nzamba sali mokili azu bana ya Jacob, c'est-à-dire avant sala mokili bana ya Jacob bazalaki. Asali yango siko azo zo bana ya Jacob azo pesa bango biteni na biteni. Tozwi sikoyo kaka Bible tozana Bible expliquer Ancien Testament intégrant les livres deutérocanoniques et Nouveau Testament. Totanga. Pensez aux jours d'autres fois. Remontez le cours des années. Demandez à vos parents et aux vieillards de vous raconter le passé. Botuna bakoko na baboti na binu. Bible mutakomiawa. Lokole boningi kaka ezalawa. Il continue. Lorsque Dieu très haut a réparti le pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Mais il s'est réservé le peuple d'Israël et a pris sous sa protection les descendants de Jacob. Ah, balobi, nzambe tango asali mokili. Abandiko kabola yango apesa batuna batu biteni na biteni ya mabele apesa chaque peuple mulobeli na ye kuna na likolo. Iyo nandimi parce que Jésus alobaki je suis venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. So landi généalogie à Jésus, okouta Jésus, okouta Israël nakati okouta Jacob. Na généalogie à Jésus okouta jamais matondo. Okukuta jamais quelque part batangi kadumbo. Okukuta jamais même kombo ya arabe moko na kati. Okukuta jamais kombo ya chinois na kati. Ezaka ka tribu na bango de batangi. Ye ya yebi ke ngai nkolo Yesu na yaki pona bande kona ngai. Et puis tango kotanga Bible okukuta place moko te ke Jésus azoloba bande kona ngaba boy ngai sikona ke na mokili. Non. Wana siko euti siko na ba apotre Paul ba nini ba lobio tango ba boye ndi akomi ya mokili. Donc Jésus a yaki d'abord na ide kaka ya bandeko tango ba boye ndi abaluki. Est-ce que nzambe ko sala makambo ya boye ayebi teke na zoki ndi pa nani abina ke ndeka ke sika ba koya mangana ko tikala soki ba boye na changer. Dieu peut faire ça bandeko na ngai totala awa. Tout se poser question. Nzambe sikwa pona ki que peuple nanga comme Israël na mumanini. Pour pona ezala peuple, il fallait que Jacob oyazaki na kombo Israël. Abota bana abota abota abota bana babota babota bazara na mokili mobimba ya bango ndi apona bango peuple. Parce que ngazaki na bana soki 7 bana soki 11 ezalaki peuple te. Vous comprenez que tant que bazo koma balingi ba tire couverture pa ina bango et pa nzamba sala ki mokili kala makasi batu nyonso nyonso bazai ku vivre wana ya nzambe te batu ya nzambe bayeko koma ba juif. Est-ce que vous saisissez ça? Est-ce que vraiment ça ekoki kokota na mutoza normal admis pe oui sincèrement. Au fond du pays, aux autres tangas que oyo ke seni na oyo oyo ke seni na oyo et puis le bilo ba nzambe. Sincèrement, on a forcé les choses ici. Là on nous omona ba komi ba komi ba komi boye soki ba moneto bosana ko cha Israel, cha Israel, cha Israel. Achekaka mais ezo concordité que Dieu s'est réservé le peuple israélite. A se réserva ki ngo na momani. Parce que ba Israélite, est-ce que ba outi musika penza ko leka ba égyptien? Mutu mwinde zaki deja kala pour Jacob. Bana na ye nzaleliki ba keko ndeke ko lia wapi? Ye tata o ya bota tata ya Jacob. Autaka na Égypte kuna kendeki ko lia pona nzala. Ayi ba ke ba to basa na nzambe ya makasi bazali kuna ba yebi bokoko, bazala bibwele, bazala biloko ko lia, bazala makamunyusu tokende ko lia kuna. Biso tuzo ko yemba penze moto zoloba. Naomi muka jiwa kwa mitu kija mutimanzala ifanga. Tusa Jacob akendeki mwasi alobito kende kuna. Donc a juin ndeko akosa kaza mwasi na ngati Sara lobaka kaka oza mwasi na ngai te oza ndeko na ngai poso ki toboi to kokote isika te to kolia bien batuana bazana nzambe munene nzambe ya makasi Abraham yeba ki deja ke batu mwintu bazana nzambe ya makasi bandeko parce que mutu ya liboso na mokili oye atango wana vaba sala batoyo nyonso Akenaton ndalo bakinza mbaza moko bango nyoso ba yebakite alo biza mbaza moko lelu uyo boyemba na eglise ke Israel nani pa Egypte mbeko ya masumu boye bisangana na masumu ya Egypte za kanini ayambi batoyo ya paresse ya lokoso ba yepa na yebaza kolia ba fandi ba sepeli bo benga ngumbongo ya masumu bandeko. Je reviens toujours sur mon sujet. On dit que toute écriture est inspirée. Est-ce que Nzambe a koki ko inspirer ma kambo ya boye? Oya komi boye, oya komi boye, oya komi boye, mais ça kaka na Bible. Est-ce que Nzambe a koki ko se tromper s'il vous plaît? Bozo Bible expliquée na la kisibino, bozo traduction du monde nouveau, bozo semer yangoyo na kokipe ko za version attendi awa parce que église chrétienne déjà église ya tâtonnement. So landi atana début na ba empereur mususu avant Alexandre ba Constantin ezalaki baza ko douter douter o ya lobi boye o ya lobi moye Nzambe ezalaki wana te po aloba. Batu kaka ndi bazaki koloba oyo roi na koya kosora na bino eloko na komona ka empereur te di alo baki boy oyo oyo aya elobi boy oyo alo ndi bazokomela biso to komo tanga yango to tanga ti balobi ke degoka omuto amona ki fleuve ambushir na biso baboyi ke za mukongo azalaki wana. Et puis tout tang sakabara na biso loko wana ti asili cyclas que l'embouchure a été découvert par et puis tout ça fier. Et puis makambo ebele zakaka que moninga na lobi français moko ya kotengama ozo seko osegani mundele soka lobi lingala ya kotenga bozakaka calme et sika to beba yango wana c'est tout ça fierté na biso to akaka batu ponto ndimito za la kaka batu biso moko okomona pasteur mususu akoyoka ngai to mondimi songolo akoloba bolanda mutwana te akobebisa boyambi amoni boyambi lokwa munene la foi bazo définir que c'est l'espérance ferme et assurance des choses à venir qu'on ne voit pas ozomona définition na bien ozape à l'aise. Définition, ana, omoni ango bien. Nzambe oyo, azana na babiloko neti, neti, neti. Ozomoni ango normal. Et puis balobi ndima kaka, kotunate. Nzambe bolingo, Nzambe juste, Nzambe munene. Alors baka ndima kaka, esili. Et puis na lobaka chaque fois chrétien silika kasoki babandi ko pese vérité bani bana ko moko ko silika. Natangi kaka na Bible oyo mokotelemisa tomoni contradiction kaka na Bible yango moko yango yo bandeko ngai na créer le côté question na reza kaka tango bolobi eza inspiré est-ce que nzamba koko inspiré biloko ya boye soki akoki ko inspiré te boni boni bobengi Bible la parole de Dieu ete ya biso moko pamba te mokili eza ko sele mo kakaka boye na maboko na biso tozo tala bandeko na suki sina liloba oyo comment mondela kitisi Bible prix ti ya 2000 francs ezali mais ki si oyo koko bika na ngola maladie ezo tungisa za très cher liloba yankolo il faut ezala cher mais nde bango ba alichi yango pete Eza poto zala na yango makasi. Deuxième, bandeko bomitu nakate pourquoi église koma chaque jour. C'est pour empêcher que mtu mwindo azala musikate na e loko bapesi. Ba église ebele batongi yango na temple ya minene eza financé na mondele. A finance ka église parce que yebi ke église eko bloquer mtu ana sika ya azali akobanda kozela mokili moko babengi yango nouvelle Jérusalem. Soki kozala ndenge nini mabele zoya kuna likolo ku nouvelle Jérusalem na zoya bino sote boke likolo ye azotonga mboka na ye na bozwi na biso tokanyi maboko tozozela nouvelle Jérusalem tango mosusu mai mokili wane koya efandisiko likolo ya mai bisika biso tozali ekomi mai ete ya biso Pa mama ovandi na Royaume-Uni, tope ozana ndeko na Londres, pesa esango, ya agence de fret ya ba professionnel ya ngoyo, avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Pe na Kinshasa, tozana avenue Buburu numéro 9, Matonge 2, commune ya Kalamu, référence école Monseigneur Moke, Van Ezakoya na ndako na Angleterre, pona kozwa biloko pe kotinda na Kinshasa. Kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi osinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, tope biloko ya ndako mobimba. Kafret, otindi miliki, ekomi pe ba meli. Yo ozana nord, tope na sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo. Kafret, eza na Angleterre, na Ecosse. Kafret, eza la kape fête aérien. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafret.com.